Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro de la reprise de À la rencontre d'auteurs. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais reçu par téléphone Eva de Kerlan qui était là pour nous parler de son ouvrage Love Me, Lou. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro du retour de À la rencontre d'auteurs, je reçois par téléphone une auteure, une autrice, une romancière, retenez le terme que vous préférez, Delphine, qui est là pour nous parler de son ouvrage, dont l'intrigue se passe pas si loin de chez nous, ouvrage intitulé « Mystère strasbourgeois ». Bonjour Delphine. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Ça va bien, merci. Donc avant de commencer à parler de votre ouvrage « Mystère strasbourgeois », je pose toujours cette même question à mes invités, et ce, quelle que soit l'émission, afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent déjà vous connaître un petit peu, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Delphine, auteur auto-édité depuis 2016. J'écris surtout du policier et du fantastique. À la base, je travaille, j'ai double casquette, je travaille dans l'industrie ou le commerce, selon l'époque. D'accord. Voilà, et donc là, je viens pour présenter mon dernier roman, mais qui ne sera pas l'ultime roman. Eh oui, on espère. Donc on va s'intéresser du coup à votre casquette romancière aujourd'hui. Donc on va commencer à parler de votre ouvrage Mystère strasbourgeois. Tout d'abord, cet ouvrage est, comme vous l'avez dit, un ouvrage auto-édité. Oui. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? Alors, vraiment par choix. D'accord. Parce que j'aime pouvoir travailler sur toutes les facettes en fait de l'édition. Donc l'écriture, mais aussi tout ce qui est création pour la couverture, la mise en forme du texte et la communication. C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc je me suis dit, allez, comme j'aime toutes ces facettes-là, je pars dans l'auto-édition pour pouvoir m'y retrouver. Et pour pouvoir peut-être être également la seule maîtresse de votre roman, ne pas faire ce que, par exemple, une maison d'édition va vous demander. Oui, je pense que c'est aussi pour ça. Oui, c'est pour ce côté un peu plus liberté. J'ai pas la pression, ça me permet de pouvoir travailler à mon rythme. Mmh, bien sûr. C'est pas mon activité principale. Voilà, ça me permet vraiment de travailler au rythme que je souhaite sans avoir de pression. D'accord. Donc de plus, il est important de noter que cet ouvrage Mystère strasbourgeois n'est pas votre premier ouvrage et n'est pas non plus le premier ouvrage dans lequel apparaît Caroline, votre personnage. Cette dernière est également apparue dans votre roman Meurtre en Déodacie. Donc pourquoi avoir pris la décision de faire apparaître le même personnage dans plusieurs ouvrages ? Est-ce que c'est pour que le lecteur ou la lectrice ait cette impression de vieillir, entre guillemets, avec votre personnage ? Car comme vous le dites à la fin de l'ouvrage, cela fait 10 ans que votre personnage résout des enquêtes. Oui, je pense que c'est pour ça, et aussi parce que je m'attache beaucoup à mes personnages, donc j'aime pouvoir leur proposer une vie. Mmh. Et un seul livre, une seule enquête n'est pas suffisante, je pense, en matière de roman policier, pour vraiment présenter toutes les facettes possibles d'un personnage, son évolution, sa vie. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage Mystère strasbourgeois, il y a un autre personnage principal, le collègue de Caroline, donc Samuel. Donc, est-ce que le personnage de Samuel était déjà là dans Meurtre en Déodacie, car malheureusement, je n'ai pas eu la chance de lire cet ouvrage. Non, pas du tout. Pas du tout. Le personnage apparaît entre-temps, en fait, dans la vie de Caroline. Elle avait un ancien... Dans Meurtre en Déodacie, elle a un collègue qui vient de Marseille. Mmh, d'accord. Et au final, avec le temps, eh bien, elle se retrouve avec un nouveau collègue. D'accord. Et donc, comme je l'ai annoncé en introduction, votre ouvrage, il ne se passe pas si loin de chez nous, dans le Grand Est. Enfin, il fait même partie du Grand Est, ça se passe, l'histoire se passe à Strasbourg. Donc, pourquoi avoir choisi, et même un petit peu aussi en Lorraine, donc pourquoi avoir choisi de faire une intrigue pas si loin de chez nous, à Strasbourg ? Et parce qu'en fait, j'ai envie, à travers mes livres aussi, de promouvoir la région Grand Est. Je suis amoureuse de ma région. D'accord. Et donc, j'ai vraiment envie de la promouvoir. Là, voilà, ça se passe à Strasbourg. Le premier se passait du côté de Saint-Dié, ma ville d'origine. D'accord. Et dans les prochains, il y aura d'autres villes aussi. Il y aura Nancy, Lunéville. Des petits villages peut-être un peu moins connus comme celle sur Plaine. Mais voilà, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là aussi, promouvoir ma région à travers mes livres. D'accord. Et donc, en parlant du coup de vos livres, vous avez deux ouvrages de style policier, donc Meurtre en Déodacie, où qu'on retrouve Caroline, une nouvelle fois, enfin déjà, et cet ouvrage Mystère strasbourgeois. Mais vous avez également trois ouvrages de style fantastique fantasy. Oui. Quels sont les titres? Parlez-nous-en un petit peu. Eh bien, il y a déjà un recueil qui de nouvelles fantastiques, qui là a été mon tout premier livre en auto-édition. C'était vraiment le test. D'accord. C'était des textes que j'avais écrits au fil du temps. D'accord. Donc, certains textes datent de plus de 10 ans, même presque 20 ans. Et par la suite, donc, je suis repassée comme... Mes deux styles de prédilection, c'est vraiment le policier et le fantastique. Peut-être qu'un jour, je mêlerai les deux, je ne sais pas, on verra bien. Mmh. Et les deux autres, eh bien, vous avez Alex Asmo, qui est un premier tome d'une trilogie. D'accord. Qui, où là, je voulais partir sur du fantastique, mais un peu plus, on va dire, un peu plus soft, un peu plus tout public. D'accord. J'ai plutôt l'habitude d'écrire du fantastique presque horrifique. Donc là, c'est vraiment tout plus. Je veux vraiment aller sur quelque chose de plutôt public. Mmh. Où là, si on prend le premier tome, c'est une mise en avant de la ville de Nancy. Vous pouvez presque faire suivre un parcours au sein de la ville. Et le troisième, le dernier, c'est la première partie d'une saga fantastique qui se déroulera sur plusieurs tomes. Et qui est là plus une réécriture de la Bible. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Oui, oui. C'est intéressant, ça doit représenter énormément de boulot de faire une réécriture de la Bible. Oui, mais après, je me permets beaucoup de liberté. Bon, ça, peut-être que pour certaines personnes, ça ne va pas les intéresser, mais voilà, c'est vraiment, je prends la base de la Bible et je réadapte tout. D'accord. D'accord. Donc du coup, on va se replonger dans Mystère strasbourgeois, car cette émission est là pour surtout parler de Mystère strasbourgeois. Donc quand est-ce que cet ouvrage Mystère strasbourgeois a-t-il été publié ? Il a été publié en décembre 2020. D'accord. Après presque deux ans et demi de travail dessus. D'accord. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet un peu plus, je propose à nos auditeurs et nos auditrices, et je vous propose à vous, Delphine, de décrire la première de couverture. Finalement, ce que j'ai le livre sous les yeux actuellement, finalement la première de couverture est assez simple, mais nous plonge directement dans le décor. Donc tout au-dessus, nous voyons votre nom de plume, donc Delphine. Ensuite, juste en dessous, il y a le titre de votre ouvrage, Mystère strasbourgeois, écrit en lettres capitales et avec un dégradé allant du rouge au noir. L'illustration de la première de couverture est un dessin, une représentation d'un célèbre monument de Strasbourg, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, me semble-t-il, et le tout sur un fond tout blanc. Donc pourquoi avoir choisi que votre première de couverture ressemble à ça, simple mais pourtant si parlante ? C'est parce que c'est complètement un choix en fait. J'ai vraiment envie que toutes les aventures et les enquêtes de Caroline soient sur cette base-là. Pour Meurtre en Déodacie, c'était pareil. C'était vraiment cette base-là, le fond blanc, avec une représentation de la Tour de la Liberté. D'accord. De Saint-Dié. J'ai vraiment envie de mettre en avant un bâtiment ou un monument de la ville dans laquelle se déroule principalement l'enquête, sur un fond vraiment épuré. D'accord. C'est un choix. C'est vraiment, voilà, c'est un peu ce côté, on va dire, de lumineux au final, puisque le but de chaque livre sera d'apporter la lumière sur des meurtres. D'accord, et directement pour que le lecteur ou la lectrice puisse directement se voir à Strasbourg, devant la cathédrale. Oui, c'est ça, oui aussi, oui. Que vraiment, juste en regardant la couverture, on sache de quelle ville on peut parler. D'accord. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser à la quatrième de couverture, qui est plutôt simple également. Et bien sûr, pour nos auditrices et nos auditeurs, quand je dis simple, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Nous retrouvons le blanc de la couverture, avec du coup votre nom et le titre écrit de la même façon que sur la première de couverture. Et ensuite, nous avons le résumé avec le prix en bas à gauche, le code-barre en bas à droite. Et d'ailleurs, juste en dessous du résumé, il y a ce qui semble être d'étranges symboles, si on veut. Donc, que signifient ces fameux symboles? Eh bien, je ne vous dirai pas la signification. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un mot en hébreu. D'accord. Et si les personnes découvrent la signification avant même de lire le livre, ils peuvent connaître le mobile des meurtres. D'accord. Et comme je ne parle pas hébreu, je n'avais pas découvert le mobile du meurtre avant de lire. Voilà. C'est un petit secret, voilà, sur la couverture. Si jamais voilà, quelqu'un arrive à le déchiffrer, eh bien, il pourra savoir le mobile avant même d'avoir ouvert le livre. D'accord. Ok. Maintenant que vous le dites, j'ai peut-être une idée du mot, mais je ne vais pas le dire au cas où. Je vous le dirai en off, voir si c'est bien ça. Donc, D'accord. je vais lire maintenant le résumé sur la quatrième de couverture pour déjà nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, après la découverte d'un troisième corps dans les rues de Strasbourg, l'inspectrice Caroline Dubois et son adjoint Samuel Pinault sont dépêchés sur place. Mais rien ne permet de définir un profil. Là, il y a trois points de suspension. Quel lien unit les victimes? Pourquoi tout semble ramener à la cathédrale et son nouvel archevêque? Le journaliste Friedrich Schneider recherche-t-il simplement un scoop? Une enquête officielle, une autre officieuse, les deux vont s'enchevêtrer pour un dénouement inattendu. Point de suspension. Voilà la fin du résumé, donc ça nous laisse bien, ça nous donne l'envie en fait de lire l'ouvrage, c'est le but d'un résumé, quelque part. Donc je pense que nous pouvons dire, et comme je viens de le dire, que ce résumé donne l'eau à la bouche et nous donne envie de lire cet ouvrage qui est de plus pas très long. D'ailleurs, pourquoi avoir décidé que votre ouvrage ne fasse que, entre guillemets, 106 pages? C'est complètement un choix. J'ai envie que les personnes puissent le lire sur une journée. J'ai pas forcément envie que les personnes passent beaucoup de temps à le, voilà, beaucoup d'heures et d'heures à le lire et qu'ils puissent le lire en intégralité en un seul jet pour D'accord. vraiment s'imprégner complètement de l'histoire. D'accord. Et donc, le précédent ouvrage, donc la précédente aventure des Carolines, Meurtre en Déodacie, il faisait le même nombre de pages, plus ou moins? Oui, il faisait entre 160 et 170 pages. Je veux vraiment des livres en dessous de 200 pages en finale pour vraiment que les personnes puissent le lire en un seul jet. D'accord. Donc, avant de poursuivre et d'entrer dans l'ouvrage, on va laisser un petit peu de suspense. Je vous propose de nous lancer dans une première pause musicale que, on va dire, on a choisi à deux, car vous m'avez donné le nom des artistes, j'ai choisi les titres. Oui. Donc, vous m'avez donné l'artiste Trois Cafés Gourmands, enfin les artistes Trois Cafés Gourmands, et donc j'ai choisi d'écouter leur célèbre titre À nous souvenir, chanson datant de 2017 et tirée de leur album Un air de rien. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute Trois Cafés Gourmands avec À nous souvenir? Ah oui, parfaitement. Parfait, alors on écoute ce titre et on se retrouve juste après. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'eau tes ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter À nos souvenirs des trois cafés gourmands. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine pour ce nouveau numéro de À la rencontre d'auteurs qui est là pour nous parler de son ouvrage Mystère strasbourgeois. Ça va toujours ? Oui, oui, toujours. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question. Pourquoi avoir choisi ce groupe, les trois cafés gourmands ? Parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup et que j'écoute régulièrement, en fait. Ils sont dans ma playlist quand j'écris. D'accord, donc vous travaillez en musique ? Oui, la plupart du temps, oui. D'accord. Donc, voilà, on a assez perdu de temps, on a assez fait... Enfin, perdu de temps, entre guillemets, bien sûr. Hein. On a assez fait monter le suspense. Nous allons maintenant nous plonger directement dans le vif du sujet, votre ouvrage « Mystère strasbourgeois ». Donc, dès que nous ouvrons votre ouvrage, nous avons les pages de présentation que l'on trouve dans tous les ouvrages. Puis, nous avons une petite citation, un Deutéronome 32.35, qui dit, je cite, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Point de suspension et fin de citation. Pourquoi avoir repris ce Deutéronome 32.35 dès le départ ? Est-ce là une volonté de susciter l'intérêt de votre lecteur ? En d'autres termes, est-ce que ce Deutéronome 32.35 a-t-il, en essayant de ne pas spoiler évidemment, un rapport avec l'intrigue de votre ouvrage Mystère strasbourgeois ? Oui, il a complètement un rapport et je trouvais intéressant de pouvoir faire le parallèle justement. Comme on est sur la cathédrale de Strasbourg, donc le côté un peu religieux et aussi, voilà, comme ça avait un lien avec l'enquête, je me suis dit ça pourrait être intéressant de le mettre. D'accord. Et oui, en effet, quand on a lu l'ouvrage, on comprend le Deutéronome en question. Donc, le prologue de votre ouvrage est un article, une interview du nouvel archevêque, Karl Franz, paru dans le journal DNA. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ce que le journal DNA est, donc il est un journal qui existe vraiment, c'est tout simplement le quotidien Dernière Nouvelle d'Alsace, comme l'est par exemple le quotidien Vosges Matin dans les Vosges. Donc, cet article de journal, pourtant inventé, paraît dans un quotidien pourtant bien réel, Dernière Nouvelle d'Alsace. Donc pourquoi faire apparaître le nom Dernière Nouvelle d'Alsace dans votre ouvrage ? Était-ce pour un souci d'authenticité ? Oui, complètement. Et je veux vraiment que les affaires de Caroline soient vraiment intégrées dans le monde réel. J'avais déjà fait quelques références dans le premier, dans Meurtre en Déodacie. Où par exemple, j'explique qu'elle aime énormément lire des romans policiers et notamment des Agatha Christie. Voilà, j'aime pouvoir mettre des éléments comme ça, par-ci par-là, dans les livres, qui rappellent qu'au final, ça peut réellement se dérouler dans notre monde. Mais et ce n'est pas un monde totalement inventé. Bien sûr, et justement, Agatha Christie, qui est une des pionnières, une des romancières les plus connues pour ses romans policiers. Notamment, c'est la créatrice du personnage de Hercule Poirot. Voilà, tout à fait. Donc, ensuite, nous remarquons au fur et à mesure de la lecture, et comme c'est écrit dans le résumé sur la quatrième de couverture, que cet archevêque et le fait qu'il constitue le prologue n'est pas anodin, mais nous ne savons pas encore comment. Je suppose que c'était là clairement votre but ? Oui, complètement. Oui, je voulais vraiment présenter ce personnage dès le départ, qu'on sache qu'il ferait partie de l'énigme, de l'enquête, mais sans savoir tout de suite le lien avec les meurtres. Mmh. En effet. Donc, dans votre ouvrage, il y a deux personnages principaux, donc Caroline est Samuel, ils sont collègues et ces deux personnages ont deux caractères, j'oserais dire, opposés, voire diamétralement opposés. Donc quel était votre but en créant deux personnages principaux, deux collègues aux caractères totalement opposés ? C'était pour vraiment apporter aussi ce côté où, quand, même si on n'est pas forcément sur la même, avec les mêmes idées, les mêmes envies, on peut très bien être sur la même longueur d'onde pour n'importe quelle situation. Et donc là, c'est pareil pour l'enquête. Voilà, ils sont tous diamétralement opposés, que ce soit en caractère ou même sur leur hobby et tout ça, mais ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir réussir à résoudre l'enquête. D'accord. Et nous remarquerons au fur et à mesure de la lecture que un des deux personnages commence à développer des sentiments, on va dire, plus que professionnels, malheureusement pas forcément réciproques. Voilà. Oui, c'est un peu le problème aussi quand on côtoie pendant longtemps une personne. Il peut parfois avoir des changements au niveau des ressentis envers cette personne. En effet. Et nous remarquons à plusieurs reprises des passages en italique reflétant les pensées de Caroline, mais pas que les pensées de Caroline. Et donc, que vouliez-vous faire comprendre en écrivant ces passages en italique ? Quel était votre but ? C'était aussi montrer ce que pensent les personnages. J'aime bien pouvoir intégrer ce genre de choses parce que, au final, même dans la vraie vie, on ne dit pas forcément tout ce qu'on pense. Et la réflexion passe souvent par la pensée plus que par la parole. D'accord. Et donc c'est pour ça que pour que le lecteur puisse comprendre ce que le personnage pense vraiment, mais du coup pas l'autre personnage du roman. Voilà, oui. D'accord. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé, vous avez un petit peu répondu, mais pourquoi avoir choisi l'Alsace et les Vosges indirectement, car Caroline vient de Saint-Dié-des-Vosges. Donc pourquoi avoir choisi ces deux régions, puisque Caroline et Samuel, comme je viens de le dire, viennent de Saint-Dié-des-Vosges comme lieu de déroulement de l'intrigue. C'est pour, comme vous l'avez dit, rendre hommage à votre région. Oui, c'est vraiment pour rendre hommage. Et puis, à l'origine, en fait, Mystère Strasbourgeois n'était pas un roman, c'était plus une idée de scénario, en fait, de bande dessinée, qui était vraiment axé sur le personnage du journaliste Friedrich. Je l'ai modifié et je l'ai passé en roman et j'ai intégré les personnages de Caroline et Samuel. Mais voilà, c'est vraiment l'Alsace, les Vosges, je veux vraiment pouvoir les mettre en avant dans mes livres aussi. D'accord. Pour l'écriture de votre ouvrage, Mystère Strasbourgeois, et même pour l'écriture de votre autre ouvrage que je n'ai pas eu la chance de lire, Meurtre en Déodacie, de quoi vous êtes-vous inspiré ? De séries télé, de films policiers, d'autres ouvrages ? Mais un peu de tout cela, puisque j'ai tendance à beaucoup regarder de séries et de livres, de films policiers et à lire beaucoup de romans policiers aussi. Je me suis inspirée de tout cela, je me suis aussi inspirée de quelques faits réels aussi, et puis de mon imaginaire. Bien sûr. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle pause musicale et que d'une artiste que vous avez choisie, donc comme nous le disons un peu plus tôt, j'ai choisi le titre, et que nous écoutions une autre chanson et une autre artiste que Mylène Farmer, et son célèbre titre « Désenchanté », titre datant de 1991, extrait de son troisième album intitulé « L'autre », trois petits points, album paru le 8 avril 1991 du coup, et on se retrouve juste après Mylène Farmer et son titre que j'ai choisi « Désenchanté ». Donc, à tout de suite. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous venez d'écouter Désenchanté de Mylène Farmer. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie de Delph In au téléphone qui est là pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois. Tout est toujours bon pour vous ? Oui, tout est toujours bon, c'est bon. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale. Pourquoi Mylène Farmer ? Est-ce que là aussi, c'est une musique que vous écoutez quand vous écrivez ? Oui, tout à fait, oui. À savoir que tous les noms de groupes ou de chanteurs que je vous ai donnés, c'est vraiment des... Ils font vraiment partie de la playlist que j'écoute lorsque j'écris. D'accord. Donc, on n'en a pas parlé, mais vous êtes écrivaine, voilà, vous êtes là pour ça. Hein. Vous êtes dans cette émission pour parler de votre carrière d'écrivaine, mais quel a été votre parcours scolaire ? Est-ce que vous avez fait des études littéraires ? J'ai fait un doc de médiation culturelle et communication à la fac de Nancy. D'accord. Donc ça commence un peu à dater. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Mm-hmm. Ça s'appelle la licence culturelle maintenant. D'accord. Et sinon, à part ça, non. J'ai plus été sur tout ce qui est scientifique et commerce. Mm-hmm. Mais j'ai toujours eu ce petit côté création, où j'écris, je dessine. D'accord. Donc, oui. D'accord. Maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse, je vous propose de nous replonger dans l'intrigue de votre ouvrage. Nous remarquons à plusieurs reprises dans votre ouvrage que vous citez des lieux, de monuments connus ou de rues célèbres. Pourquoi avoir fait ce choix ? Car je suppose que c'est un choix vraiment personnel. Est-ce pour garder une certaine authenticité dans votre ouvrage ou pour faire voyager le lecteur tranquillement installé dans son canapé ou dans son fauteuil ? Ou les deux ? C'est les deux, en fait. À chaque fois que j'écris un livre qui est... Il y a une intrigue centrée dans un lieu existant. J'aime que le lecteur puisse suivre de lui-même, que ce soit sur un plan ou directement dans la ville, puisse suivre le chemin qui a été effectué par les personnages. D'accord. Et donc vous faites également beaucoup de descriptions concernant notamment les actions des personnages. Ben, quand on est dans le monde de l'écriture, on peut comprendre pourquoi, parce que personnellement, nos auditeurs et auditrices le savent, je suis également dans ce monde, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place cette émission. Mais pourquoi faire autant de descriptions concernant les actions des personnages ? Parce que je trouvais que justement, ça leur donnait un côté plus humain, plus réel. C'est vrai que de dire qu'une personne prend son verre, l'approche de sa bouche pour en boire, pour boire une gorgée d'eau, je trouve que voilà, ça apporte un côté réaliste. Et réel aux personnages. D'accord. Et aux actions qu'ils font. Dans l'ouvrage, nous constatons que Friedrich Schneider enquête sur deux enquêtes à la fois. Donc Friedrich Schneider, c'est le journaliste. Donc il enquête sur deux enquêtes à la fois. L'enquête des meurtres, donc où sont Caroline et Samuel. Et il travaille également sur l'enquête sur la mort de sa mère. Nous comprenons que tout ça lui remplit la tête. Donc pourquoi avoir fait ce choix d'écrire deux histoires dans une seule et même grosse histoire ? Alors ça, c'était vraiment pour me tester au final. Voilà, c'est la première fois que je le fais dans un roman. Mm-hmm. Je voulais voir si j'en étais capable, et aussi parce que je trouvais ça très intéressant. Nous avons Caroline qui a aussi des petites fractures, des petites blessures que mm-hmm. l'on suit d'un côté. Bien sûr. Et pouvoir avoir aussi Friedrich qui au final semble être très intéressé par cette enquête aussi. Son côté journaliste forcément se réveille, mmh. mais aussi le fait que lui-même souffre à cause d'une autre histoire et qu'il a besoin de découvrir la vérité aussi sur cette histoire, je trouvais ça très intéressant pour lui de pouvoir, voilà, en parallèle, pouvoir essayer de trouver une solution, la clé à son problème personnel, tout en travaillant et en étant sur l'enquête pour son côté professionnel. D'accord. Et donc, sans spoiler... Nous remarquons également que le fait que Friedrich s'intéresse aux enquêtes, ce n'est pas seulement son côté journaliste. Non, c'est vrai, oui, il n'y a pas que le côté journaliste. Même s'il le met en avant au départ, on peut se rendre compte que voilà, c'est aussi un côté, on va dire, naturel chez lui de vouloir s'intéresser à cette enquête-là. Mmh. Et pour connaître l'autre raison, il faut lire l'ouvrage. Voilà, tout à fait. Donc, le suspense également dans votre ouvrage Le Mystère Strasbourgeois a une part très importante. Je suppose que là aussi, c'était votre but de faire réfléchir le lecteur en même temps que les personnages de Caroline et de Samuel. Oui, oui, je trouve que ça, c'est intéressant pour que le lecteur puisse aussi être mis à partie dans l'histoire et qu'il se pose exactement les mêmes questions que les personnages qui soient dans cette situation où ils se disent « oui, mais au final, pourquoi ?» Mmh, d'accord. Et tout au long de l'ouvrage, justement, on remarque une certaine course contre la montre. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Non seulement enfin, des deux côtés, du côté de Caroline et Samuel, mais aussi, quelque part, du côté du personnage de Friedrich. Oui, oui, oui, parce que on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai qu'ils sont dans une enquête et au final, le principe est quand même de vouloir sauver des vies. Mmh. Donc c'est important aussi qu'il y ait cette mise sous pression vis-à-vis du temps qui passe et le fait que le temps est une chose qu'on ne contrôle pas. Bien sûr. Et il faut faire avec au final et essayer soi-même de réussir à trouver une solution pour rattraper ce temps qui défile avant qu'il n'aille trop loin et que ce soit trop tard. Et donc justement en mettant en place cette course contre la montre, est-ce que vous aviez aussi cette volonté de faire stresser le lecteur, quelque part? Ah non, pas du tout. Ça, j'y avais même pas pensé, vous avouez. D'accord. Parce que c'est surtout le côté voilà, que le lecteur comprenne qu'il y a une mise sous pression des personnages. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait aussi toucher le lecteur. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Ah, bah. C'est intéressant à savoir, ça. Donc, merci. Donc, avez-vous mis un petit peu de vous dans le personnage de Caroline? Est-ce que ce soit dans ses pensées, sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer ou autre? Car en tant qu'auteur, je suppose qu'on met... Enfin, j'oserais même dire, je sais, qu'on met un petit peu de nous dans nos personnages. Oui, c'est vrai qu'au final, je pense que sur certains points, elle a un peu de ma façon aussi de parler, d'agir. Mmh. Même si au départ, je me suis inspirée d'une de mes sœurs pour créer ce personnage. D'accord. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai dû un peu mettre aussi un peu de ma part dedans. Ce qui serait compréhensible quelque part. Oui, oui, puisque au final, c'est nous qui leur donnons vie à ces personnages. Donc, c'est un peu normal aussi qu'ils prennent un peu de nous quand on les anime. Bien sûr. Mais justement, vous venez dire que vous êtes inspirée d'une de vos sœurs pour créer le personnage de Caroline. Mais est-ce que, justement, votre sœur est au courant de ça? Oui, oui, je ne lui ai jamais caché, elle le sait depuis le début. D'accord. Et donc, du coup, ça ne l'a pas dérangé que vous inspiriez d'elle pour votre personnage? Non, pas du tout. Je peux même vous avouer que le personnage de Samuel est inspiré de ma seconde sœur. D'accord. sur certains points. Donc... D'accord. Donc, même si la relation qui lie Friedrich, donc le journaliste, Caroline et Samuel, les policiers, se base sur une relation d'entraide, n'y a-t-il pas également une sorte de rivalité entre Friedrich et les deux agents de police? Est-ce que comme il n'y a pas comme une sorte de course, comme nous le disions il y a quelques minutes, pour savoir qui trouvera le coupable en premier? Si, j'ai voulu mettre ça aussi en place, oui, qu'on voit cette petite rivalité, qui est un peu, je vais dire, presque une normalité, puisque les deux sont sur l'enquête, et au final, on a beau dire ce qu'on veut, l'ego des personnages, et même des personnes en général, font que souvent, si on est sur une même un même objectif, mm-hmm. il y a ce côté un peu compétition qui se met en place, et j'ai voulu un peu aussi mettre ça aussi en avant dans le livre, que même si au final, ils s'entraident, il y a quand même cette petite compétition qui apparaît en se disant, ben voilà, si moi je pouvais découvrir la vérité avant les autres, ça m'arrangerait. Bien sûr, et ça rajoute une part d'authenticité, du coup. Oui, aussi, oui. Donc, avant d'aller plus loin encore, je vous propose de nous relancer dans une nouvelle pause musicale d'un artiste que vous avez choisi une nouvelle fois, l'artiste portoricain Bad Bunny, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, je vous laisse décider de la chanson que vous voulez écouter. J'ai deux propositions à vous faire. Soit son célèbre titre Daquiti, chanson qu'il interprète avec le chanteur portoricain Jay Cortez, ou alors Maldita Pobreza, chanson de Bad Bunny, justement, peut-être moins connue que la précédente. Eh bien, moi, j'opterais pour celle qui est peut-être moins connue par le public, qui puisse la découvrir aussi. Alors, Maldita Pobreza, vous la connaissez, celle-là? Oui, je la connais, oui, oui. Ah bah voilà, parfait. Donc cette chanson Maldita Pobreza est tirée du même album que Daquiti, donc l'album El último tour del mundo, que l'on peut traduire en français tout simplement par le dernier tour du monde. Et cette chanson fait également partie de mes chansons au coup de cœur. J'aime beaucoup Bad Bunny comme artiste. Donc justement, on va écouter du coup Bad Bunny et Maldita Pobreza. Et on se retrouve juste après cette chanson. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous venez d'écouter Maldita Pobreza de Bad Bunny. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Delph In qui est là pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Delphine ? Ah oui, oui, oui, tout à fait. Parfait. Cette chanson, elle donne la pêche ? Ah mais complètement ! C'est pour ça que c'est très intéressant, Bad Bunny, parce que ça donne tout de suite la pêche quand on écoute. Exactement. Comme j'aime bien dire, ce qui est vrai d'ailleurs, heureusement qu'en radio, on ne nous voit pas, parce que sinon, on m'aurait pris pour un fou dans le studio. Voilà. Donc, j'allais vous demander pourquoi avoir choisi Bad Bunny, mais vous avez répondu tout à l'heure. C'est un artiste que vous écoutez quand vous écrivez ? Oui, aussi, oui, oui. Oui, ma playlist est très éclectique. En effet. Ça me permet de pouvoir justement varier ça, et en fonction de ce que j'écris. Et on écoutera d'autres morceaux pendant cette émission, totalement différents également. Donc, à force de piétiner dans l'enquête, on va reprendre. À force de piétiner dans l'enquête, pensez-vous que nous puissions dire que Caroline se trouve quelque part dans un cercle vicieux, dans un éternel recommencement ? Oui, je pense, oui, parce que c'est ça le problème. C'est quand on recherche une solution à n'importe quel problème et qu'on ne le trouve pas, à force, on a l'impression vraiment de tourner en rond et devoir tout recommencer à zéro pour rechercher à chaque fois. Et c'est un cercle vicieux et je trouve ça, que, oui, ça correspond parfaitement en fait au personnage de Caroline pendant cette enquête-là. D'accord. Et au fur et à mesure de la lecture de votre ouvrage, je pense que nous pouvons dire que Caroline, ainsi que les autres enquêteurs, on va dire, vivent enquête, dorment enquête, mangent enquête, assouvissent leurs besoins enquête, et ce, au sens premier du terme, d'autant plus qu'il y a tout au long de l'ouvrage un chronomètre au-dessus de leur tête. Oui, c'est vrai, oui. Là, ils sont pris par le temps, donc ils sont vraiment obligés d'être, on va dire, à 200% dans l'enquête, et au final, leur vie ne tourne plus qu'autour de cette enquête-là, et tant qu'ils n'auront pas trouvé le coupable, ils ne pourront pas s'arrêter de travailler sur cette enquête. Bien sûr, et comme on le voit dans votre ouvrage, comme vous l'écrivez, en vrai, ils ont carrément presque emménagé dans le commissariat, vu qu'ils se relaient pour enquêter, pour arriver le plus rapidement possible au dénouement de l'histoire. Oui, parce qu'ils savent que voilà, le temps leur est compté, et ils doivent absolument essayer de trouver le coupable avant qu'un autre meurtre n'arrive. Et c'est ce qui est le plus compliqué, mais au final, c'est ce qui leur permet aussi d'avancer et de pouvoir continuer à avoir cette volonté de faire aboutir cette enquête de manière positive. Bien sûr. Et également, au fur et à mesure de la lecture, au fur et à mesure qu'on avance dans cet ouvrage, nous constatons une évolution dans la violence des meurtres, notamment avec celui de Paul Zimmermann. Oui, parce que je déjà dans mon premier, j'avais fait ça. Je trouve que au final, le meurtrier prend au final l'habitude de tuer et peut se permettre d'être de plus en plus libre de ses actions et au final de proposer des meurtres beaucoup plus durs, beaucoup plus violents. Que ce qui est au début. Et nous remarquerons qu'au fur et à mesure, toute la violence de ces meurtres joueront sur l'état, on va dire, de santé de Samuel, parce qu'il est très sensible. Oui, la vue du sang lui pose énormément de problèmes, ce qui n'est pas évident quand on se retrouve sur ce type de meurtre. Oui, j'imagine bien, oui. Donc, dans le chapitre 9, avec le Maine Coon, ce gros chat qui ressemble à un lynx, nous retrouvons le nom d'un personnage que nous avons déjà vu plus tôt. Sans dire le nom en question, pour ne pas spoiler, nous pensons entrevoir le bout du tunnel. Est-ce ça votre envie ? Oui, je voulais qu'à un moment donné, dans le livre, on se dise « Ah tiens, ça y est, on arrive enfin au dénouement. » Et mettre un petit côté d'espoir, cette petite lueur d'espoir pendant la lecture, qui n'est pas forcément celle que l'on espère, mais oui, je voulais vraiment avoir ce côté-là, oui. D'accord. Une nouvelle fois, avant de poursuivre cette émission littéraire, je vous propose de nous relancer à nouveau dans une pause musicale d'un artiste, ou plutôt d'un groupe, que vous avez choisi. Le groupe de rock Radiohead, avec leur chanson sortie en 1993, est tiré du premier album du groupe, album intitulé Pablo Honey, et chanson intitulée Creep. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute Radiohead ? Ah oui, parfaitement. Parfait. Alors, on écoute cette chanson, on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. So fucking special. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous venez d'écouter Creep du groupe de rock Radiohead. Vous êtes toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone pour ce numéro de À la rencontre d'auteurs de Delph Inn qui est là pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois. Tout va toujours bien ? Oui, tout va parfaitement bien. Parfait. Donc, le titre du... on va reprendre le cours de cette émission. Le titre du roman, donc, c'est Mystère Strasbourgeois, et il a quelque part un double sens. Il y a le mystère qui entoure les meurtres, et il y a le mystère qui entoure la santé de Friedrich, qui, au fur et à mesure des pages, on le voit s'affaiblir de plus en plus. Donc, aviez-vous cette optique, en écrivant votre ouvrage, car c'est mystère au pluriel, d'écrire un livre ayant un titre à double sens ? Oui, c'est une volonté. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, justement. Je voulais vraiment qu'il y ait ce côté mystérieux du côté du personnage de Friedrich et aussi le côté mystérieux de l'affaire, à savoir comment la résoudre, qui est le meurtrier. Voilà, c'était vraiment un choix vrai, qui a été fait de manière objective. Mmh. D'accord. Et donc dans le chapitre 10, on découvre un nouvel indice qu'on ne va pas citer pour éviter de trop donner d'indices justement aux lecteurs, aux auditeurs et auditrices. Un nouvel indice apparemment sans importance, mais qui s'avérera finalement d'une grande importance. Donc vouliez-vous que cet indice en question, presque primordial, soit quelque chose qui n'a pas forcément d'importance à première vue ? Et si oui, pourquoi ? Oui, je voulais vraiment que ce soit un indice qui soit donné comme ça, de manière tout anodine, comme si c'était... Voilà, comme un simple bonjour, mais qui au final se révélera être un indice des plus importants, et qu'on se dise, ah voilà, au final, même une chose anodine peut être très très importante quand on recherche le moindre indice sur une enquête. Et surtout que la personne, enfin le personnage qui trouve cet indice, qui indique cet indice, ce n'est ce n'est ni Caroline, ni Samuel. Oui, voilà, faut que ça... oui, j'ai vraiment voulu que ce soit vraiment un personnage qui soit très secondaire, qui, avec une seule phrase, va remettre en... on va dire, on va mettre au clair toute l'histoire et surtout apporter une avancée incroyable à l'enquête. D'accord. À la fin du chapitre 11, on semble tout comprendre, faire le lien entre tout ce qui s'est passé durant l'histoire et entre les différentes intrigues qui, finalement, s'entrecroisent. Et même si nous pouvons ne pas accepter ces meurtres, ils en deviennent presque compréhensibles, entre guillemets. Donc, en essayant de ne pas spoiler, j'imagine que c'était là votre objectif. Oui, oui, oui, je voulais donner quand même un côté humain. Mmh. Aux meurtriers et se dire que voilà, parfois on peut aller jusqu'à des extrêmes, mais il y a toujours une cause, une raison à cela, et parfois ça peut être vraiment des raisons qui peuvent nous dire que si ça avait été différent, peut-être que la personne n'aurait pas été jusque là. Mmh, bien sûr. D'ailleurs, la conclusion du roman, de l'intrigue, elle, je trouve vraiment surprenante. Quand je l'ai découverte, personnellement, en lisant votre ouvrage, j'ai été très surpris, donc je suppose que c'était votre but de surprendre le lecteur, de faire une chute. Oui. Mais avec les explications, nous comprenons tout, le nombre de meurtres, pourquoi ces personnages sont morts, etc. Donc pourquoi avoir décidé de réaliser une fin si surprenante, mais à la fois pourtant si logique ? Parce que je trouvais que c'était intéressant justement de pouvoir proposer une fin qui, oui, si on relit le livre, au final paraît totalement logique, mais qui en même temps, dès la première fois, on se dit « Ah oui, d'accord, voilà pourquoi on en est là aujourd'hui ». C'était vraiment quelque chose que je voulais, c'était une volonté que j'avais déjà eue à l'époque quand j'avais commencé à l'écrire pour un scénario de BD, et ce côté de se dire « Ah oui, d'accord ». On en est là parce que voilà, il y a eu ça. Et au final, on se dit, oui, on comprend mieux pourquoi tout ça. Et en même temps, on se dit, oui, mais c'est ça. Pourquoi cette personne-là a fait ça? Et il y a ce côté-là aussi de questionnement. Et c'est vrai que c'était une volonté. Surtout que vous dites, du coup, à la fin du roman, vous mettez les noms des victimes. En plus, ce qu'ils sont, entre guillemets, pour ne pas trop spoiler. Donc, du coup, c'est là aussi on comprend encore mieux, du coup. Oui, c'est vrai, c'était vraiment une volonté aussi de voir que, voilà, que les personnes sachent exactement pourquoi ces victimes-là sont devenues victimes, justement. D'accord. C'est vraiment une volonté de ma part. D'accord. Avant de conclure, je vous propose de nous lancer dans une dernière fréquence avec un groupe que vous avez choisi une nouvelle fois et que nous écoutions, le groupe de rock japonais Man With A Mission, avec un titre que je me suis permis de choisir, comme tous les autres titres en fait, et qui m'a paru dans la continuité de votre roman. Le titre qu'on va écouter, c'est Seven Deadly Sins, donc tiré de leur quatrième album studio intitulé The World on Fire, sorti le 10 février 2016. La particularité de ce groupe de musique est que les membres chantent chacun avec un masque représentant une tête de loup. Voilà, c'était peut-être pas très, très, très important comme remarque, mais j'avais envie de la faire. Donc, on écoute Man With A Mission avec leur titre Seven Deadly Sins et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. けたどり着いた機械を求め 7 Deadly Sins de Man With A Mission sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous êtes donc de retour pour la suite et la fin de cette nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs et nous sommes, comme depuis plus d'une heure maintenant, toujours en compagnie au téléphone de Delph Inn qui est là pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours. Parfait. Donc on va reprendre cette émission qui va bientôt être terminée déjà malheureusement. Donc, à la toute fin de l'ouvrage, nous retrouvons le chiffre 7 pour 7 lettres que le personnage de Caroline reçoit. Donc, en fait, en lisant ce roman, on verra que le chiffre 7 a une grande importance. Et oui, donc, c'est vrai. Cela veut-il dire. Et puis, la dernière phrase, c'est. Enfin, les dernières phrases, c'est Caroline qui dit, je cite, « J'ai pris une décision, je vais prendre quelques jours de vacances, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris, j'appellerai le commissaire pour lui en parler. » Et en bas, en italique, c'est marqué « L'air de Nancy me manque, mon petit cookie aussi. » Donc, est-ce que ça sous-entend qu'on aura une troisième aventure de Delphine ? Pas du tout, de Caroline. Eh bien, oui, de sûr, il y en aura une troisième et il y en aura bien d'autres aussi. Puisque j'ai déjà réfléchi à toutes les suites. D'accord. Et donc, petit spoiler, la suite n'aura pas lieu à Nancy. Ah, d'accord. j'ai tendance à écrire les histoires, mais il y a une chronologie, mais je ne les écris pas dans cette chronologie-là. D'accord. Et donc, justement, ce chiffre 7, pour les 7 lettres que... Caroline reçoit, est-ce que c'est, je suppose que oui, que c'était un petit clin d'œil à l'histoire de Mystère Strasbourgeois ? Oui, oui, oui, c'était fait exprès, oui, le chiffre, oui, oui. C'est un chiffre qui est importante dans l'histoire et j'ai voulu faire un dernier clin d'œil à ce chiffre-là à la fin. Et est-ce que dans la prochaine aventure de Caroline, on connaîtra le contenu de ces lettres ou pas du tout ? Non, pas dans la prochaine. La prochaine se passera un petit peu avant Mystère Strasbourgeois. Ce sera une enquête où nous verrons l'arrivée de Samuel dans l'équipe. D'accord. Et le tout toujours entouré d'une enquête, d'un mystère. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, du coup, que dire sur cet ouvrage ? Tout simplement, je trouve, à titre personnel, qu'en lisant cet ouvrage Mystère Strasbourgeois, nous nous attachons à chaque personnage. Sans spoiler, je trouve que la fin du roman est une fin très surprenante, mais à la fois tellement logique. En quelques mots, je conseille vraiment cet ouvrage à nos auditeurs et à nos auditrices, si ils et elles aiment les histoires remplies de suspense. De plus, il est disponible sur les grands sites de vente en ligne pour la modique somme de 10€, donc franchement, c'est très, très abordable. Si on veut passer une journée de détente à lire un bon roman, bah, il faut se pencher sur celui-là. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment un roman réussi et je suis même sûr que je vais m'approprier le précédent ouvrage, Meurtre en Déodacie, car j'ai bien envie de connaître ce qui se passait avant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé sur Mystère Strasbourgeois, mais qui mériterait absolument de l'être ? Je dirais que non, parce que j'ai un peu peur de spoiler, sinon si j'en parle trop. D'accord, bah alors, on dit rien. Où est-ce que nous pouvons nous rendre pour suivre l'avancée de vos ouvrages ou tout simplement pour vous retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux au repère de l'imaginaire. Vous cherchez au repère de l'imaginaire, Delph Inn, et vous devriez pouvoir me trouver. D'accord. De toute façon, je mettrai les liens de votre site internet et de vos différents réseaux sociaux en podcast de cette émission. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'avoir encore suffisamment d'imagination pour continuer d'écrire. D'accord. Oui, bah c'est un bon souhait. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure ? Oui. Allez-y. Si vous le souhaitez... Et que vous ne connaissez pas trop le secteur de Strasbourg, n'hésitez pas à y faire un tour. La cathédrale y est magnifique. Et promis, vous ne retrouverez pas les corps qui jonchent le sol. Non, non, promis. Donc très bien, le message est passé. C'est donc ainsi que se termine déjà cette nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs. Je vous remercie une nouvelle fois, Delphine, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Parce que normalement, à la base, vous auriez dû venir dans le studio, mais à cause des restrictions, voilà, vous n'avez pas pu. C'est bien dommage, mais bon, on fait avec. Donc, quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, une autre romancière, Laura Vaisseau, qui sera là, certainement par téléphone, pour nous parler de son ouvrage auto-édité également, Dessine-moi un enfant. Et on se retrouve également dès lundi à 8h et 13h30 pour la suite de notre voyage à travers la vie et l'œuvre de J.K. Rowling, la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, notamment dans La Cristoire des auteurs. Vous êtes habitués désormais. Et on se retrouve mardi, du coup, à 14h en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, car lundi, je serai malheureusement absent, mais vous aurez quand même votre chronique enregistrée au préalable. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est très bien, il faut annoncer. Donc merci encore Delphine, et du coup je vous dis à très bientôt pour, pourquoi pas, un prochain ouvrage. Je l'espère aussi. Bon, on va faire en sorte que ça fonctionne. Du coup, merci à vous d'avoir suivi cette émission, et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.